Paimpol et ses falaises, et puis la Marseillaise. Il vaut mieux qu'on se taise. Fermons la parenthèse. De Bretagne en Corrèze, on se dit les plus balèzes. Même les Américains, on les écrase à l'aise. La tradition française veut qu'on drague les Anglaises. Une seule douche écossaise, v'là qu'on file à l'Anglaise. Sous la même bannière, nous allons à la guerre. Mais chacun sa manière. République bananière. Sous le même drapeau, on crie nos idéaux. Mais chacun pour sa peau, on n'est pas des héros. Sous le même étendard, pour entrer dans l'histoire, nous marchons vers la gloire, avec une guerre de retard. Sous le même fanion, on chante à l'unisson, hypocrite, feignons d'être bons compagnons. Sous le même oriflamme, tous les Français s'enflamment, deux qui voient une femme croisent aussitôt la lame. Sous la même devise, chacun se mobilise, mais chacun son église, alors on se divise.